pour Rendez-vous avec X. Là, ou plutôt les vérités sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Car aujourd'hui encore, il faut bien l'avouer, on ne sait toujours pas si Lee Harvey Oswald était réellement le tireur, le seul assassin. La semaine passée, M. X s'est attaché à mettre en lumière un certain nombre d'erreurs ou d'incohérences. À commencer par l'étrange personnalité d'Oswald, le pigeon, comme l'appelle M. X, manipulé par certains éléments de la CIA, mais affichant des convictions communistes et sa sympathie pour Fidel Castro. Un homme qui, selon mon interlocuteur, devait être abattu aussitôt après l'assassinat du président américain au cours d'une arrestation qui aurait tourné mal. Mais il y a eu cafouillage. Un cafouillage qui va aboutir à l'élimination d'Oswald dans les locaux même de la police de Dallas. Car lorsqu'on apprendra que son assassin est un homme de la mafia, on commencera à se poser des questions. Mais n'allons pas trop vite, comme dirait M. X, et reprenons là où il s'est arrêté. Si Oswald avait des accointances avec des agents de la CIA, il était aussi très bien connu de l'autre grand service américain, le FBI, pour lequel, à l'occasion, il était indicateur. Et à Dallas, il est même surveillé par un agent de ce bureau fédéral dont le patron est le tout-puissant et quasi inamovible Edgar Hoover. Un homme qui exige que l'enquête soit confiée à son service et qui, lorsque le nouveau président, Lyndon B. Johnson, se résoudra à créer une commission d'enquête, la fameuse commission Warren, en surveillera de très près les travaux, n'hésitant jamais à intervenir ou à influencer ses membres. Dans un instant, la suite du récit de M. X. Personnellement, Edgar Hoover ne pouvait que se féliciter de la disparition de Kennedy. Le président américain voulait en effet que le chef du FBI quitte son poste lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite, ce qui ne tarderait pas. Or, Hoover désirait s'accrocher. Et il y avait ça, oui. Car le nouveau président Johnson, désireux de se concilier un personnage aussi puissant, lui offrira aussitôt ce que Kennedy lui refusait. Mmh, il mourra à son poste. Au début des années 70, c'est exact. Ça veut dire que Hoover, lui aussi, avait de bonnes raisons de désirer l'élimination de Kennedy. Certainement. D'autant qu'il n'avait aucune sympathie pour ce clan arrogant et richissime, mais qu'il en connaissait les secrets. Les turpitudes sexuelles de JFK, la vérité sur son état de santé précaire, les relations aussi de la famille avec des personnages douteux et appartenant même au crime organisé. Or, en tant que chef du FBI, il était placé sous l'autorité directe du ministre de la Justice, c'est-à-dire Robert Kennedy. Et c'est pour dire que les deux hommes ne s'aimaient pas. D'accord, mais est-ce que Hoover aller jusqu'à participer à un complot contre Kennedy? Pourquoi pas? Il pouvait au minimum se contenter de ne pas agir. Qu'assumez-vous, là? Edgar Hoover, qui était l'homme le mieux informé des États-Unis, savait que quelque chose se préparait contre Kennedy. Or, la loi lui imposait d'informer le Secret Service, chargé de la protection du président et de toute menace pesant contre lui. Et il n'en a rien fait. Exactement. Par conséquent, vous pensez qu'Edgar Hoover pourrait être un complice indirect? C'est ce que je crois, oui. Mais avant de voir ça de plus près, revenons à l'enquête elle-même. Oui, c'est-à-dire l'enquête de la commission Warren. Oui, d'abord. Cette commission est présidée par Earl Warren. Ce qui est le président de la Cour suprême, je crois. C'est ça, oui, oui. Il est assisté de parlementaires, dont un, Gerald Ford. Le futur président des États-Unis? Lui-même. Oui, Ford qui entretient d'excellentes relations avec Hoover. En fait, on estime que Ford était l'homme de Hoover au sein de la commission Warren. Il y avait aussi des juristes, des experts et l'ancien directeur de la CIA, Allen Dulles, limogé par Kennedy après le désastre de la baie des cochons. Ouais, lui aussi, il ne veut pas porter Kennedy dans son cœur. Mais est-ce que cette commission était vraiment décidée à faire la lumière? Warren était un homme honnête, et beaucoup d'autres membres de la commission l'étaient également. Mais ils travaillaient à partir des éléments qu'on leur fournissait. Or, je vous l'ai déjà dit, des preuves avaient disparu. Et la police de Dallas ne s'était guère montrée attachée à faire surgir la vérité. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut pas oublier qu'Oswald a été assassiné dans ses locaux par un mafieux notoire qui s'y promenait comme s'il était chez lui. Oui, ce Ruby, là. Oui. Alors, on peut avoir des doutes sur le travail de la police de Dallas et sur les éléments qu'elle a fournis à la commission Warren. Non, cette commission va essentiellement se servir des enquêtes du FBI et des preuves scientifiques qui sont à sa disposition. C'est-à-dire les observations balistiques, le résultat de l'autopsie et ce film amateur qui a été miraculeusement tourné au moment même de l'assassinat de Kennedy. L'objectif étant de déterminer si Oswald a été le seul tireur. Hein. Et s'il y a eu conspiration ou pas? Alors, l'autopsie d'abord. Ou plutôt, les autopsies, car il y en a eu deux. La première a été pratiquée tout de suite, à l'hôpital de Dallas. Et la deuxième, à l'hôpital naval de Bethesda. Disons-le tout de suite, les conclusions de ces examens sont contradictoires, ce qui ne simplifiera pas les choses. Mmh. Bon, inutile d'entrer dans le détail. Alors, venez-en aux conclusions. Je préfère, oui, parce que tout ça est un petit peu compliqué. Mmh. Alors disons que pour les médecins de Dallas, Kennedy a été tué par une balle tirée de l'avant. Et que pour ceux de Bethesda, la balle mortelle a été tirée de l'arrière. Même confusion au sujet du nombre de balles tirées. 4 pour les uns, 3 pour les autres. Bon, il faut dire à la décharge des médecins qu'une trachéotomie a été pratiquée sur le corps de Kennedy. Une opération qui a pu masquer les orifices d'entrée ou de sortie des balles. Bah, il n'empêche, ça fait quand même un peu bâclé. Hein. Oui, certainement. Bâclé ou bizarre. Un fait en particulier m'intrigue. Le médecin chargé de rédiger le rapport final d'autopsie brûlera aussitôt ses notes dès qu'il aura terminé son travail. Et pourquoi ? Bah, ou bien il s'est rendu compte que dans son rapport, il a artificiellement tenté de concilier les deux thèses et que ça paraît invraisemblable, ou alors l'un de ses supérieurs de la navale lui a ordonné de détruire ses notes. Et votre avis ? Je ne sais pas. Mais je remarque simplement que dès le départ de l'enquête, c'est la thèse du tireur solitaire qu'on privilégie, autant au FBI qu'à la commission d'Arène, et même à la Maison Blanche. Donc rien ne doit venir perturber cette thèse. C'est ce que je pense, oui. Mmh. Or, cette histoire des 3 ou 4 balles est essentielle. Expliquez. L'arme d'Oswald est une carabine semi-automatique. C'est-à-dire qu'entre chaque tir, il faut expulser la douille, réarmer, épauler, viser à nouveau sur une cible mouvante qui plus est, même si la voiture présidentielle ne roule pas très vite. Et ça prend combien de temps ça prend? Oh, pour un très bon tireur, il faut entre 2 ou 3 secondes. Or, en chronométrant la scène grâce au film 8 mm qui a été tourné par un spectateur, les spécialistes estiment que le tireur qui se trouvait dans le bâtiment du dépôt de livres scolaires n'a pu tirer que 3 balles au maximum. Mmh. Donc s'il y a eu une quatrième balle, ça signifie aussi qu'il y a un deuxième tireur. Un homme qui se serait peut-être trouvé devant la voiture et non pas derrière. Ou même à côté d'Oswald. Et ça change tout, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, il faut absolument s'en tenir aux 3 balles. Et les experts en balistique, pour se conformer à la thèse de la commission Varenne, vont se livrer à de véritables contorsions scientifiques. Car il ne faut pas oublier que le gouverneur Connelly, qui se trouvait devant Kennedy, a lui aussi été atteint. Ouais. Contorsion, c'est-à-dire manipulation de la vérité. Oui, bien sûr. Et les balisticiens vont inventer ce qu'on a appelé depuis la balle magique. La balle magique, ça, expliquez-moi. Bah, cette balle tirée du 5e étage à 80 mètres de la voiture présidentielle pénètre sous l'encolure du président. Mais elle ressort plus haut, dans le cou de Kennedy, à hauteur de son nœud de cravate. Puis elle va frapper le dos du gouverneur Connelly, sort sous son mamelon droit, fracture son poignet droit, et finalement le blesse à la cuisse gauche. Curieusement, cette balle magique et erratique sera retrouvée quasiment intacte sur un brancard de l'hôpital de Dallas. Marque les miracles. Elle est sans doute sortie naturellement de la cuisse de Connelly. Mais franchement, est-ce que c'est crédible cette histoire de balle magique? Non. D'autant que les agents du Secret Service qui ont vu le président tout de suite après l'attentat ont situé le trou d'entrée de la balle beaucoup plus bas sous l'encolure. Il était donc impossible qu'elle remonte ensuite pour sortir dans le cou. Mais d'autant qu'elle a été tirée d'en haut. Hein. Voilà. Conclusion possible, Kennedy et Connelly ont été atteints par 2 balles différentes. Et pratiquement au même moment. Ce qui accrédite donc la thèse des 2 tireurs. Mais cette balle magique, est-elle celle qui a mortellement blessé le président? Non. La balle mortelle est tirée quelques secondes plus tard, comme en témoigne le film d'amateur. Et elle lui emporte une partie du crâne. Puis il y aura encore une balle qui ratera sa cible. Alors, justement... Parlons de ce film qui, m'avez-vous dit lors de notre premier entretien, a longtemps été tenu sous le boisseau. Mais qui a été visionné par les membres de la commission Warren. Mmh. Alors, que nous apprend ce film? Si on analyse image par image, il commence par démolir cette théorie de la balle magique. Pourquoi? Parce qu'on voit Kennedy tressaillir sous le choc de la première balle. Et c'est seulement une demi-seconde plus tard que le gouverneur semble atteint à son tour. Par un autre tireur, donc? Oui. Enfin, on dira plus tard que les images étaient d'une très mauvaise qualité. Et qu'une rénovation du film apporterait la preuve que les deux hommes ont bien été touchés au même moment. Bon, moi je veux bien, mais ça me paraît bizarre. Toutefois, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Enfin, plus étonnantes encore sont les images de Kennedy lorsqu'il est frappé par la balle mortelle. Sa tête bascule vers l'arrière. Ah, vers l'arrière, alors, comme s'il avait été touché par une balle tirée d'avant. Exactement. Mais il se trouvera des scientifiques pour affirmer que ce mouvement a été provoqué par l'éjection de la matière cérébrale vers l'avant. Ouais, un effet de réaction. Oui, c'est ça. Enfin, encore une fois, je ne suis pas expert. Toutefois, ça me paraît quand même troublant. Alors, restons-en là. N'importe comment, je suis sûr que les membres de la commission Warren avaient déjà fait leur choix. Oui, la thèse du tueur unique, Lee Harvey Oswald. Et 10 mois après l'assassinat de Kennedy, ils publient leurs conclusions. Oswald, ancien marine, converti au marxisme, ayant vécu en URSS, proche des milieux castristes, était un homme instable qui a agi seul. Quant à son meurtrier, Ruby, il aurait agi par patriotisme pour venger Jackie Kennedy. Un mafieux qui agit par patriotisme. Ouais, c'est assez difficilement croyable et ça prouve bien qu'on veut cacher la vérité. Ah! Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Quelles ont été les réactions après la publication du rapport de la commission Warren? Voici ce que je lis dans le livre d'André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, publié chez Armand Collin en 1993. Partout dans le monde, le rapport a été lu avec attention et longuement commenté. En général, l'accueil est très favorable. Les journaux américains célèbrent les mérites, les efforts, l'honnêteté des commissaires. Ils admirent la solidité de leur travail et s'estiment satisfaits des conclusions qu'on leur propose. Dans le reste du monde, le rapport est aussi analysé et soupesé. Là encore, c'est plutôt un sentiment de soulagement qui prévaut. En Grande-Bretagne, en Allemagne et dans les pays scandinaves, les journaux n'expriment guère de réserve. Ailleurs, on se pose encore des questions, même si l'on charge l'histoire d'apporter la lumière définitive. C'est surtout en France, à un moindre degré en Belgique et en Autriche, que le scepticisme l'emporte. Le rapport convaincra sans doute la grande masse des Américains, observe Paris Presse, mais les Français diront « nous ne croyons pas à tout cela parce que c'est incroyable ». Le Figaro relève les lacunes, les contradictions et les déclarations difficiles à croire dans le rapport Warren. Le Monde soutient qu'une importante fraction de l'opinion publique du Vieux Monde reste sceptique. Les réactions de l'opinion mondiale inquiètent le gouvernement des États-Unis. Il serait regrettable, estime-t-on à Washington, qu'une commission aussi prestigieuse ne soit pas prise au sérieux et que l'image internationale du pays soit ternie par le doute. Toutefois, les arguments de la commission n'ont pas convaincu deux des acteurs du drame de Dallas. Le gouverneur Connally a toujours affirmé qu'il avait été blessé par une autre balle que celle qui avait traversé le cou de Kennedy. Quant au président Johnson, il n'a jamais cessé de croire que Castro avait tenu un rôle dans la préparation de l'assassinat. Dans un premier temps, il faut le reconnaître, les Américains, qui sont encore sous le choc de l'assassinat d'un président si populaire, ils acceptent sans broncher les conclusions de la commission Warren. D'autant que Bobby, le frère de JFK, semble lui aussi accepter cette thèse. Alors même qu'il est encore ministre de la Justice. Hein? Attorney général, oui. Mm-hmm. Vous avez une explication là, de l'attitude de Bobby hein? Oui, Robert Kennedy est bien placé pour savoir que beaucoup de gens avaient intérêt à éliminer son frère. Et il n'a peut-être pas envie qu'on creuse de trop. Et qu'on déterre des choses gênantes pour la réputation de son frère. Et pour l'image du clan tout entier. N'oubliez pas qu'il est appelé à prendre la suite de son frère. Et en 1968, c'est en pleine campagne électorale qu'il se fera lui aussi assassiner. Mais il me semble me souvenir que nous en avons déjà parlé. Mm-hmm, c'est exact. Ouais. Et après Bob, il y avait encore William, qui aurait pu faire un excellent candidat s'il ne s'était conduit de façon stupide au cours de l'enquête sur un dramatique fait divers. Et la noyade d'une jeune femme de son entourage. Hein. C'est ça. Les fils Kennedy ont tous été dressés par leur père, le vieux Joe, pour être président. Mm-hmm. Donc pour résumer là, Bob Kennedy, qui connaissait les secrets de son frère, hein, était bien placé pour ça, n'a guère envie que l'enquête aille trop loin. Oui, ça j'en suis persuadé, d'autant qu'il avait été mêlé lui-même à quelques-uns des épisodes les plus scabreux de la vie de son frère. On va poursuivre. Après cette période de deuil, l'opinion américaine commence à s'interroger. Il y a d'abord tous ces témoins qui disparaissent les uns après les autres. L'un de vos confrères a fait le calcul, moins de 3 ans après l'assassinat du président, 18 personnes qui avaient témoigné sont mortes. Comment ? Des morts violentes pour au moins 13 d'entre elles. Suicides, accidents, exécutions, ça fait quand même beaucoup, non ? Ces gens-là étaient des proches de Ruby ou avaient été interrogés à propos du meurtre de l'agent Tippit. Et puis, on finit par se rendre compte que la commission Warren a travaillé dans la précipitation et a négligé beaucoup d'aspects. Enfin, il y a cette histoire de la balle magique qui passe mal. Ouais, on n'y croit pas. Ouais, tous les gens sérieux pensent que la thèse de la commission Warren est ridicule et qu'on a inventé ce trajet de la balle magique uniquement pour résoudre les incohérences des constatations balistiques et ficeler au plus tôt le dossier. Mmh. En outre, on s'interroge aussi sur le fait que la commission Warren n'a pas retenu les témoignages des personnes qui ont affirmé avoir vu de la fumée s'élever au-dessus du talus gazonné de la place lors de l'assassinat de Kennedy. Là où aurait pu se trouver un deuxième tireur. Oui, leurs dépositions n'ont pas été retenues. Alors, tout ça commence à agiter l'opinion. Et en 1967, le procureur de la Nouvelle-Orléans, un certain Jim Garrison, décide de son propre chef de reprendre l'enquête. Et il commence par fouiller le passé d'Oswald. Très vite, il s'interroge sur les liens du tueur désigné avec la CIA en particulier et les services secrets en général. C'est-à-dire qu'il établit la réalité de ses relations. Oui, et très vite, il découvre qu'Oswald, qui ne manque jamais une occasion de proclamer qu'il est pro-castriste, fréquente des agents de la CIA qui ont monté des opérations contre Cuba. Curieux, non? Garrison trouve même que l'adresse qui figure sur les tracts pro-castristes que distribue Oswald est aussi celle d'un détective privé d'extrême droite, un ancien du FBI et des services spéciaux de la marine, Guy Bannister, et peu à peu le procureur dévide la plotte. Mm-hmm. Et où arrive-t-il ? Un nommé Clay Shaw. Qui est celui-là ? Un homme d'affaires lié à la CIA et très influent dans les milieux anticastristes. Pour Garrison, c'est clair. Clay Shaw est l'inspirateur du complot, c'est lui qui a manipulé Oswald. Ouais, Oswald le pigeon, toujours. Oui, la manœuvre étant de faire porter le chapeau à Castro, comme je vous l'ai dit précédemment. Mmh. À part cette histoire d'adresse, là, qui est effectivement étrange, est-ce que Garrison découvre des preuves ? Difficilement. L'épidémie de mort mystérieuse frappe toujours. Le détective Bannister, par exemple, dont on apprendra plus tard qu'il travaillait toujours pour la FBI, est retrouvé mort dans son appartement. Apparemment, il a été victime d'une crise cardiaque. Mais curieusement, il y avait un fusil à côté de son corps. Ce qui signifie Qu'il se sentait peut-être menacé, mais il n'a pas eu le temps de se défendre. Autre mort étrange, celle de David Ferry, une vieille connaissance d'Oswald, un pilote qui avait participé à des actions contre Castro à l'instigation de la CIA. Garrison s'apprête à l'interroger. Il ne pourra jamais le faire. Ferry se suicide. Mmh. Un vrai suicide ? Là, j'en doute fortement. Mmh. Mais vous ne cessez là, de me parler de la CIA, mais l'agence en tant que telle est-elle mise en cause par ce procureur-là ? Indirectement, oui. Mais pourquoi, expliquez-moi, pourquoi la CIA ou certains éléments de la CIA seraient-ils impliqués dans le complot contre Kennedy ? Il y a un vieux contentieux entre l'agence et JFK. Oui, le désastre de la baie des cochons. En particulier, je vous rappelle rapidement. Lorsque John Kennedy arrive à la Maison Blanche au début de l'année 1961, il trouve sur son bureau un projet de débarquement armé à Cuba. La CIA a entraîné des exilés cubains, leur a fourni des avions, enfin bref, tout est prêt. Mais le plan a été établi par le prédécesseur de Kennedy. Eisenhower, oui. Et par son vice-président, Richard Nixon. Mmh. Mais l'opération ne peut s'effectuer sans un feu vert présidentiel. C'est évident. Mmh. Kennedy n'est pas très enthousiaste, mais il est coincé. Pendant la campagne présidentielle, il a pris des positions très dures contre Fidel Castro. Ouais, il est difficile de reculer. Oui, mais il va modifier le plan prévu. D'abord, il demande que soit changé le lieu du débarquement. Et ça aura des conséquences catastrophiques parce que le nouvel endroit est particulièrement inhospitalier. Ensuite, il exige que les États-Unis ne puissent à aucun moment paraître impliqués dans cette affaire. Ça me paraît logique. Certes, mais en interdisant tout appui opérationnel de la marine et de l'aviation américaine, il précipitera l'échec du débarquement. La suite, vous la connaissez, c'est une véritable catastrophe. Les anticastristes débarqués dans la baie des cochons sont massacrés ou faits prisonniers. Et le président, qui n'est aux affaires que depuis 4 mois, se défausse sur la CIA. Mmh. Et sur l'agence qui fait reposer la responsabilité du désastre. Et son patron, Alan Dulles, est limogé. La conséquence, c'est que beaucoup d'agents et de cadres de la CIA se sentent trahis. Et ils ne parleront jamais à JFK parce qu'ils pensent que le premier responsable de la catastrophe, c'est lui. Oui, mais de là, l'assassiner. Sans doute, mais il n'y a pas que ça. La CIA a d'autres raisons d'en vouloir à Kennedy. D'abord, il se murmure à Washington que si le président l'emporte en 1964, il procédera à un profond remaniement des services secrets. Ensuite, il y a la politique américaine au Vietnam. Vous précisez, là ? Kennedy, comme vous le savez, est le président qui va vraiment engager son pays là-bas en envoyant toujours plus de conseillers militaires et de forces spéciales. Et chaudé par l'échec de la baie des cochons, il donne la prééminence au Pentagone. Oui, c'est le ministère de la Défense. Oui, au détriment de la CIA. Et ça, une nouvelle fois, ça passe très mal. Enfin, il y a une dernière raison. Les hommes de la CIA ont découvert que la Maison-Blanche entendait amorcer une politique de détente vis-à-vis de Cuba. Une rencontre secrète avec Castro a déjà été envisagée. Et des émissaires se sont déjà rencontrés. Parmi eux, on trouve le journaliste Jean Daniel. L'actuel directeur du Nouvel Obs ? Oui, et Kennedy l'a chargé d'annoncer à Castro qu'il désirait entamer une normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. D'ailleurs, Jean Daniel se trouvera aux côtés du leader Massimo lorsque celui-ci apprendra l'assassinat de Kennedy. Sa réaction ? Castro a pris ça comme une très mauvaise nouvelle. Ouais, il aurait pu feindre. Hein. Bon, tout est possible. Mais je ne crois pas. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, les gens de la CIA avaient de bonnes raisons pour souhaiter la disparition de Kennedy. Mais ils n'étaient pas les seuls. France Inter, rendez-vous avec X. La question vietnamienne a-t-elle joué un rôle dans l'assassinat de John Kennedy ? Dans le dossier consacré par Historia à la mort du président américain, le spécialiste du renseignement, Rémi Goffer, écrit ceci. 2 mois après l'échec cubain, Kennedy tranche. Coup dur pour la CIA, le président réduit son domaine à la portion congrue en octroyant aux militaires la responsabilité majeure des opérations de guerre non conventionnel. Et qui choisit-il pour assumer la tâche? Son vieil ami Krulak, assistant spécial pour la contre-insurrection et les opérations spéciales auprès du comité des chefs d'état-major. Krulak, qui va faire tant et si bien qu'à la fin 1961, les effectifs des forces spéciales auront doublé. Remâchant sa disgrâce, la CIA continue à soutenir activement le président Diem et son frère Ngo Dinh Nu, patron de la police secrète. Mais la répression féroce de toute opposition, surtout celle des moines bouddhistes à l'été 1963, discrédite le pouvoir saïgonais aux yeux de l'opinion américaine. Fin octobre 1963, l'ordre tombe, abandonné Diem. Un blanc-seing pour les généraux vietnamiens. Le 2 novembre, 20 jours avant l'attentat de Dallas, Diem et Nu sont assassinés par les officiers putschistes. JFK se montrera très affecté par cette mort brutale qu'il n'avait pas souhaitée. En fait, c'est le bilan de son action au Vietnam qui l'accable. En humiliant ses services de renseignement pour la seconde fois après l'affaire de la baie des cochons, le président a creusé le fossé entre l'agence et la Maison Blanche, d'où les rumeurs, jamais vérifiées, et les nombreux films ou livres impliquant cette dernière dans sa fin tragique. Alors, quelles sont les autres personnes ou organisations qui ont pu être désireuses de se débarrasser de Kennedy? Je crois vous l'avoir dit la semaine passée, l'extrême droite critiquait ses intentions en matière de droit civique. Ouais, pour les Noirs, oui. Oui, et les fanatiques du Ku Klux Klan représentaient encore une force notable dans le sud des États-Unis, et en particulier au Texas, un état très conservateur. Puis il y avait aussi les puissants milieux pétroliers qui avaient peur que Kennedy ne taxe leurs revenus. Un homme était très proche de ce lobby, le vice-président Johnson. Un Texan, hein, c'est ça? Oui. Et vous savez sans doute, un livre récent a accusé Lyndon Baines Johnson d'avoir commandité l'assassinat de Kennedy. Mmh. Oui, je me souviens, on aurait retrouvé au cinquième étage du fameux dépôt de livres scolaires, là, une empreinte digitale d'un type qui travaillait pour lui, hein, un homme de main. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Ouais, et qu'en pensez-vous? Bon, ça ne m'étonne pas outre mesure. Vous pensez donc que la piste Johnson est sérieuse? Je n'ai pas dit cela, mais laissez-moi poursuivre. Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup de monde qui en voulait à JFK. Hein. Oui, Kennedy ne manquait pas d'ennemis. Enfin, c'est là où je veux en venir, il y avait aussi la mafia. Le crime organisé, si vous voulez. Les chefs des principales familles de truands avaient eux aussi d'excellentes raisons de vouloir liquider Kennedy. Oui, je crois savoir, mais ça mérite quand même une explication. Hein. Oui, JFK, c'est un secret de polichinelle, a été élu grâce à un sérieux coup de pouce de la mafia. C'est Joe, son père, qui avait de longue date des relations très étroites avec le crime organisé. Ah ouais, les trafics d'alcool pendant la période de la Prohibition. Hein. Entre autres, l'origine de la fortune des Kennedy. Donc, Joe a pris contact avec un certain Giancana qui régnait sur Chicago. Un parrain. Oui, un parrain très influent. Et Joe a demandé à ce Giancana de faire voter pour son fils. Il n'est pas non plus impossible que certaines urnes aient été bourrées. Et vous ne l'ignorez pas, John Kennedy a été élu président. Mais à une très courte majorité, il s'en est fallu de 100 000 voix, ce qui, à l'échelle des États-Unis, est très peu de choses. Par conséquent, non sans raison, les gangsters ont estimé que Kennedy leur devait son élection. Ah, ils voulaient être remerciés. Naturellement. Or, bien au contraire, le clan Kennedy va les contrarier. Non seulement on ne leur laisse pas faire leurs affaires, comme ils l'entendent, mais le frère cadet, Bob... Il est tourné général. Oui, c'est ça. Bob entend nettoyer les écuries d'Ogias. Et il commence à attaquer de front toutes les activités illicites et fait emprisonner nombre de truands ou les contraint à l'exil. Un manque de reconnaissance, là. C'est ce que pensent les familles. Mais ce n'est pas tout. Quelques grands parrains de la mafia ont beaucoup perdu avec l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba. Ouais, les casinos, les prostituées, la drogue... Oui, sous Batista, ouais. La mafia faisait la pluie et le beau temps dans l'île et elle y gagnait beaucoup d'argent. Et les gangsters attendaient de Kennedy qu'il leur permette de recouvrer leur fief en chassant Castro. Première désillusion, le désastre de la baie des cochons. Deuxième désillusion, les Kennedy ne semblent pas vraiment désireux de se débarrasser de Castro par la force. Oui, il y a pourtant ces tentatives d'assassinat du dirigeant cubain. Hein. C'est juste, oui, des tentatives perpétrées avec l'accord de Bob Kennedy, mais elles échoueront toutes. Pourtant, en pilotant ces opérations manquées, le frère cadet de JFK sans doute scellait le destin de son frère. Pourquoi? Parce que pour tenter d'assassiner Fidel, la CIA a fait appel à des gens qui connaissaient bien Cuba et qui avaient gardé des contacts. Les hommes de la mafia. Bien sûr, d'autant qu'il y allait de leur intérêt. Des liens se sont donc noués entre les gangsters et les agents de la CIA. Des liens qui se révéleront fatals pour John Kennedy. Alors, vous pensez que la mafia est impliquée également? C'est certain. Rappelez-vous l'assassin de Lee Harvey Oswald, Jacques Ruby. C'était un homme de la mafia, très lié aux parrains des principales familles, les Giancane, Traficante, Marcello ou encore Hoffa, le patron du syndicat des chauffeurs routiers. Oswald lui-même n'était pas un étranger pour la mafia puisque son oncle en faisait partie. Ah bon, son oncle. Mais selon votre thèse, là, Il a été sacrifié par les conspirateurs. Hein. Et alors, Oswald n'était qu'un pion. Que valait sa vie à côté de l'objectif poursuivi? Pour les gangsters, Oswald n'était qu'un jobard, c'était la vérité. Et donc sa vie n'avait aucune importance. Évidemment. Et il ne sera pas le seul à être sacrifié pour reprendre notre expression. Un à un, tous les gens qui savaient ou qui détenaient des informations sur le complot seront liquidés. L'un des derniers sera Giancana lui-même. Convoqué par une commission sénatoriale, le successeur d'Al Capone sera assassiné en 1975. Avant éventuellement de parler. Oui. Vous avez parlé de commission sénatoriale. Ça veut dire que l'enquête s'est poursuivie. Ah oui, avec des hauts et des bas. Garrison, lui, échoue. Il n'apporte pas les preuves qu'on attend et lors du procès qu'il intente à Clay Shaw, il est débouté. Mais l'affaire rebondit au milieu des années 70 lorsqu'on apprend toutes les malversations commises par la CIA. Mais toutes ces actions illégales. Et en particulier ces tentatives d'assassinat de dirigeants étrangers. Et ces révélations semblent tellement choquantes qu'on se demande si la CIA n'a pas également joué un rôle dans l'assassinat de Kennedy. Puis une commission sénatoriale découvre que le FBI détenait un dossier sur Oswald, dossier détruit sur ordre. C'est troublant, ça. Oui. Un an plus tard, ce sont les membres de la Chambre des représentants qui se saisissent du dossier. La commission ne découvre pas la vérité, mais elle affirme explicitement la possibilité d'une conspiration. La possibilité seulement. Et 10 ans plus tard, une nouvelle commission, composée des plus hautes autorités médicales et policières américaines, et mandatée par la Maison Blanche, révèle que les rapports d'autopsie ont été volontairement maquillés. Et enfin, en 2001, un magazine scientifique américain, relayé par le Washington Post, révèle l'existence d'un deuxième homme près d'Oswald. Ce proche de Lyndon Johnson, là, dont on a retrouvé une empreinte digitale? Très certainement. Et ça confirme les déclarations du gouverneur Connally, qui a toujours affirmé avoir été touché par une autre balle que celle qui a frappé le président. On en est là pour l'instant. Alors, votre avis à vous? Je pense que Kennedy a été victime d'une conspiration ourdie par une nébuleuse dont les intérêts étaient communs. Les frustrés de la mafia, les mécontents de la CIA et des milieux pétroliers, et surtout les anticastristes très proches des gangsters. Ces gens-là, croyez-moi, avaient à leur disposition tous les hommes de main possibles pour exécuter l'assassinat. Mais, peut-être vous surprendre, je pense que le véritable assassin du président Kennedy, c'est le patron du FBI, Edgar Hoover. Pourquoi? Parce qu'il était au courant de tout. Il connaissait par le détail la préparation du complot auquel étaient associés certains de ses agents ou correspondants, mais il n'a pas bougé. Oui, vous voulez dire qu'il n'a rien fait pour prévenir l'attentat? Eh bien, au contraire. C'est pour ça que je crois à sa culpabilité. Car ça l'arrangeait bien. Non seulement il détestait les Kennedy, comme je vous l'ai dit, mais leur insistance à désirer le voir lutter contre le crime organisé commençait à le lasser. Et d'ailleurs, après la mort de Kennedy, il baissera les pouces et les truands pourront à nouveau vaquer à leurs affaires en toute tranquillité. C'est quand même une accusation excessivement grave. Mais confirmée par les faits. Hoover n'a en tout cas pas caché sa satisfaction à la nouvelle de la mort de Kennedy. Vous savez ce qu'il a fait le lendemain, lui, le premier flic des États-Unis? Eh bien, il est allé passer sa journée sur un champ de course. Hoover savait-il qu'il existait un plan pour assassiner Kennedy? Son biographe, Anthony Sommer, auteur d'un livre au titre provocateur, Le plus grand salaud d'Amérique, paru au Seuil, l'affirme, je le cite. Une information sérieuse concernant Trafficante et Marcello suggère la possibilité que le FBI se soit rendu gravement coupable de négligence avant l'assassinat. D'après José Alman, un riche exilé cubain, Trafficante aurait fait d'inquiétantes remarques sur le président au cours d'une réunion d'affaires en septembre 62. Les Kennedy, aurait dit le gangster, ne sont pas honnêtes. Ils prennent le fric et ne respectent pas le marché. Croyez-moi, ce Kennedy est dans le pétrin et il aura ce qu'il mérite. Lorsque Alman objecta que le président serait réélu, Trafficante aurait déclaré calmement: « Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Kennedy n'ira pas jusqu'à l'élection. Il se fera descendre. » À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements sur cette émission, renseignements discographiques et biographiques. Merci Patrick Pénaud, on vous retrouve samedi prochain. Et puis...